Donc le Vénérable souhaite à tous bonjour. Donc avant tout, Sayado voudrait dire des paroles de réjouissance. Il est très heureux d'être ici et d'avoir l'opportunité de discuter à l'Institut Nalanda des quatre nobles vérités. Il apprécie également la noble intention de l'Institut Nalanda d'organiser cette conférence qui est organisée pour le bénéfice des êtres et aussi pour le Bouddha Sasana, l'enseignement du Bouddha. Et donc il espère en effet que de ce colloque, eh bien, il y aura beaucoup de bénéfices pour tous les êtres vivants et pour le Bouddha Sasana, que cela puisse promouvoir la paix dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier jour du colloque. C'est également la troisième intervention. Donc Sayado pense qu'au travers des enseignements des maîtres tibétains et zen, vous avez déjà sûrement acquis une certaine compréhension par rapport à cet enseignement. Donc en effet, le Vénérable pense qu'il n'a pas affaire à une audience normale, mais c'est une audience tout à fait spéciale. Et donc il pense que vous avez déjà sûrement beaucoup compris par rapport à ces quatre nobles vérités, n'est-ce pas? Vous les connaissez déjà? Donc vous les connaissez déjà, ces quatre nobles vérités, vous, n'est-ce pas? Donc, étant donné que vous avez déjà eu l'enseignement par les maîtres tibétains et zen, que vous avez déjà développé cette connaissance-là, peut-être que le Vénérable n'a pas besoin d'en rajouter. Est-ce qu'il a besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, parce qu'il s'inquiète que vous devez vous asseoir encore une heure et demie et souffrir d'un mal de dos, alors ça serait dommage. Si vous savez déjà ça, ça serait dommage, c'est pas la peine. Donc si vous voulez, donc, le Vénérable peut essayer d'exposer un peu, élaborer davantage sur ces quatre nobles vérités. Ou si vous êtes tous d'accord, eh bien, on peut aller juste prendre un petit repos, un petit break et puis s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Mahoba, viens. Mahoba. Donc si jamais donc vous lors d'écoute de cette intervention vous avez quelques douleurs au dos, est-ce que vous serez content ou mécontent? Mécontent? Satisfait ou insatisfait? Oh, chanta avec ya. Donc en effet, si on s'assoit ici et qu'on a certaines douleurs, qu'on a des sensations désagréables, en effet, on peut avoir une sensation physique désagréable, donc on peut se sentir mal, mais par contre, de là à être mécontent et insatisfait, peut-être pas. Donc en effet, ça c'est la première noble vérité qu'a enseigné le Bouddha, la vérité de l'insatisfaction. Donc vous avez déjà tout de suite une compréhension directe de la première vérité, la vérité de la souffrance. Et donc vous n'êtes pas un auditoire spécial. Vous avez une rencontre directe déjà avec la première vérité. Donc comme de la même façon que Lama Karta avait expliqué qu'il était d'origine pure tibétaine, 100% tibétain, et de la même façon, le Vénérable Nanujoda est lui aussi né en Birmanie, donc il est aussi 100% birman. Donc c'est pour ça qu'il a reçu son éducation de moine bouddhiste en Birmanie. C'est-à-dire qu'il a étudié les écritures bouddhistes là-bas, il a pratiqué la méditation là-bas, il a aussi enseigné le Dhamma là-bas, en Birmanie. Aussi, c'est selon cette école bouddhiste du Theravada de Birmanie qu'il va essayer, du mieux qu'il le peut, selon la propre compréhension qu'il a développée, de vous exposer maintenant donc les quatre nobles vérités, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Donc vous avez déjà entendu depuis un jour, les enseignements au sujet des quatre nobles vérités. Vous connaissez donc sûrement déjà les quatre nobles vérités. Il y en a. N'est-ce pas? Vous les connaissez déjà? Donc quelle est la première noble vérité? Number one. Dukkha. Dukkha, c'est ça. Donc c'est la vérité de la souffrance, de l'insatisfaction. Et Dukkha. Nambandika. Quelle est la deuxième noble vérité? Nambandika. Tamudaya, déjà. Tamudaya, déjà. Nambandika. Et la troisième? Niroda. Niroda Desara. Et la quatrième? La voix. Bon, ben vous avez tous réussi votre examen, c'est bon. L'institut va vous délivrer à la fin de la journée un certificat. Donc en effet, le Bouddha a enseigné ces quatre nobles vérités. La première vérité est la vérité de la souffrance ou de l'insatisfaction, Dukkha Satcha en pali. La deuxième vérité, c'est la vérité de l'origine de la souffrance ou de l'insatisfaction, Samudaya Satcha en pali. La troisième vérité, c'est la vérité de la cessation de la souffrance ou de l'insatisfaction, Nirodha Satcha en pali. La quatrième vérité, c'est la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance, Magga Satcha en pali. Donc maintenant, si le Vénérable vous demande, parmi ces quatre vérités, quelles sont les vérités qui sont déjà présentes en nous? Quelles sont les vérités qui sont déjà une réalité en nous? Pourriez-vous y répondre? Et la deuxième, est-ce qu'elle ne serait pas présente parmi nous? Même pas. Cette partie de l'audience semble acquiescer, cette partie de l'audience ne semble pas acquiescer, vous ne l'avez pas cette vérité en vous? Si vous ne savez pas combien vous avez sur votre propre compte en banque, eh bien les autres pourront en profiter. De la même façon, c'est bien de savoir ce qui est en nous. Donc en effet, donc le Bouddha a expliqué que la maladie, la vieillesse, la mort, la naissance, tout cela représentait donc de la souffrance. Que toutes les sensations désagréables, les peines dans le corps également, sont souffrantes, insatisfaction. Alors, est-ce que nous avons déjà expérimenté cela? Est-ce que cela est présent dans notre vie? Le Bouddha a ainsi, en effet, enseigné que même si on ne le veut pas, si on ne désire pas cette souffrance-là, cette insatisfaction-là, ce sont des états qui sont présents dans notre existence de tous les jours, qui sont présents en nous. D'autre part, vouloir des choses et ne pas les avoir, ou obtenir des choses que nous ne désirons pas, cela est également source de souffrance. Être associé avec des personnes qui nous sont désagréables, ou être séparé de personnes qui nous sont chères, cela est également source d'insatisfaction. Donc qui veut de la souffrance? Qui veut de l'insatisfaction dans sa vie? Nous n'en voulons pas. Vous n'en voulez pas. Le Vénérable n'en veut pas. Personne n'en veut également. Nous n'en voulons pas maintenant. Dans le passé également, nous n'en voulions pas. Et bien sûr, pour le futur également, nous n'espérons pas en expérimenter. Donc, pour pouvoir éviter cette souffrance, que devons-nous faire? Comment procéder pour pouvoir neutraliser cette souffrance dans notre vie? Ah, la vie est souffrance, tant d'insatisfaction, tant de mécontentement dans notre vie, tant de frustration. Que faire? Alors, est-ce que quelqu'un dans l'audience aurait des idées, des suggestions? Comment pourrons-nous faire? Comment pourrions-nous procéder pour neutraliser cette souffrance? Est-ce que vous auriez une idée de pratique, une suggestion? Ah, quelle intelligence! Quelle réponse intelligente! Donc, le vénérable est très reconnaissant, il va pouvoir vous céder sa place. Donc en effet, donc personne ne veut de la souffrance, on voudrait bien s'en débarrasser, mais en fait, on ne peut pas s'en débarrasser directement. Si on doit parler en termes de cause et effet, cet état de souffrance, d'insatisfaction, c'est la cause, c'est un effet. Donc, selon l'enseignement du Bouddha, on ne peut pas agir sur l'effet, mais on doit agir sur la cause. C'est pourquoi il faut éliminer la cause de la souffrance pour pouvoir éliminer la souffrance. Donc, dans l'enseignement du Bouddha, qui est si parfait, il y a des dhammas qui sont des causes et des dhammas qui sont des effets. Si l'on veut vraiment avoir une action efficace, eh bien, il faut s'appliquer sur les causes et non sur les effets. Donc, pour donner un exemple très simple, le Bouddha a donné la parabole du lion et du chien. Donc, supposons que nous lancions une pierre ou que nous frappions le chien avec un bâton, eh bien le chien, lui, va courir derrière la pierre ou le bâton pour le mordre en représailles. Quant au lion, lui, supposez qu'on lui lance une flèche, eh bien il ne va pas courir après la flèche ou il ne va pas essayer de mordre la flèche, mais il va plutôt chercher à voir d'où provient la flèche. Et éventuellement, il va aller à la source et mordre la personne qui est à l'origine de la flèche, et donc mordre celui qui a lancé, tiré la flèche. Et c'est ainsi que le Bouddha, en donnant cet exemple, a expliqué que parmi les dhammas qui sont les causes et parmi les dhammas qui sont les effets, eh bien c'est aux causes qu'il faut s'appliquer, c'est au niveau des causes qu'il faut agir, et non au niveau des effets. Pour donner un autre exemple, supposez que vous soyez malade, est-ce qu'il faut neutraliser les symptômes de la maladie ou faut-il neutraliser la cause de la maladie? Donc bien sûr, c'est au niveau des causes qu'il faut agir. Donc ceci est un autre exemple pour illustrer que la méthode enseignée par le Bouddha était la méthode qui s'appliquait aux causes et non aux effets. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc en effet, si on a une maladie, il n'est pas suffisant d'aller juste chez le médecin et de prendre des médicaments. Il faut qu'on aille à l'origine de la souffrance et qu'on voit la cause. Par exemple, si il y a un problème d'alcoolisme, et bien dans ces cas-là, c'est la consommation d'alcool qu'il faut arrêter. Ce qu'il se passe, si on ne s'évertue pas à rechercher la cause première de la maladie et qu'on ne s'attache qu'à essayer de neutraliser les effets, eh bien l'action n'est pas si efficace que ça. C'est comme si par exemple vous souffririez d'un ulcère de l'estomac et ne sachant pas qu'il y a cette cause-là qui vous cause un inconvénient au niveau de l'estomac, vous prenez par exemple un cachet pour un problème d'indigestion. L'origine de la maladie n'étant pas identifiée exactement, le mal ne peut pas être soigné. Ou par exemple, vous souffrez de certains symptômes et vous pensez que c'est le cœur, donc vous prenez des médicaments pour le cœur, alors qu'en fin de compte, c'est au niveau du cerveau que la cause réside. Donc un premier pas est franchi. Nous n'avons pas envie de la souffrance. Nous avons localisé donc l'origine, la cause de la souffrance. Maintenant, il nous faut connaître l'existence également de la cessation de la souffrance. Qu'il y a une possibilité que cette souffrance, cet état d'insatisfaction n'existe pas. C'est comme si, par exemple, nous entreprenions un voyage. Avant de l'entreprendre, il faut connaître la destination. Il faut connaître l'endroit où nous voulons aller avant d'entreprendre le voyage et d'arriver éventuellement à bon port. En effet, en ayant une idée de la destination que nous voulons atteindre, nous pourrons nous organiser, nous pourrons nous préparer et donc entreprendre ce voyage et arriver à notre but désiré. Donc le Bouddha a expliqué, donc quelle est la cessation de la souffrance? C'est que justement, nous voulons arriver à une destination, à un but, où il n'y a plus cette souffrance, cette insatisfaction. Donc il y a la vérité de la souffrance, il y a cet état d'insatisfaction, et donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas de conditions pour que cette souffrance surgisse, apparaisse? Eh bien, supposons que nous rencontrions un objet, soit au niveau de la vue ou de l'ouïe, c'est-à-dire que nous voyons un objet ou que nous entendions un son. Si au moment de voir cet objet, d'entendre ce son, il n'y a pas l'attention, sati, c'est-à-dire que nous ne soyons pas vigilants, eh bien, si cet objet est plaisant, nous allons l'aimer. Nous allons avoir un désir avide par rapport à cet objet. Par contre, si l'objet est un objet déplaisant, désagréable, nous allons être déçus et nous allons éprouver peut-être de l'aversion. Donc imaginez donc que nous soyons en contact avec un objet visuel ou auditif. À ce moment-là, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas attentifs et n'observons pas avec précision cet objet, eh bien donc, nous pouvons développer de l'avidité. Si c'est un objet plaisant, nous allons avoir du désir avide pour lui. Si c'est un objet déplaisant, nous allons peut-être avoir de la colère. Donc si on y réfléchit, est-ce que c'est l'objet en lui-même qui provoque l'insatisfaction, la colère? Non. En fait, ce n'est pas l'objet en lui-même qui provoque la satisfaction, mais c'est la mauvaise perception, la compréhension erronée que l'on a de cet objet-là. Le fait qu'il n'y ait pas pleine conscience, qu'il n'y ait pas attention à cet objet, et de ce fait-là, l'avidité est développée et l'attachement est développé. Prenons un autre exemple pour élaborer ce point. Par exemple, un aliment quelconque. Supposons que nous prenions un aliment quelconque. L'aliment lui-même n'apporte pas la souffrance, n'est pas souffrance. Par contre, si cet aliment ne nous convient pas au niveau de la santé et que malgré tout, nous ne soyons pas conscients de cela, que nous ne soyons pas conscients que cet aliment ne nous convient pas et que nous le consommions, eh bien à ce moment-là, nous allons en effet souffrir, nous allons en effet expérimenter des états insatisfaisants. L'aliment lui-même, quand il est dans le magasin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souffrance. C'est que nous n'avons pas compris vraiment la nature de cet aliment. Alors, l'aliment lui-même dans le magasin, est-ce qu'il apporte de la souffrance? Est-ce que la bière ou la bouteille de vin qui est dans le magasin, en lui-même, est-ce que ça vous apporte de la souffrance? Mmh. Non, en effet, dans le temps que dans le magasin, eh bien, la bouteille de vin ou la bouteille de bière, en effet, n'apporte pas la souffrance. Si c'était le cas, on devrait fermer tous les magasins. Donc en effet, sinon on devrait donc fermer tous les magasins. Et donc le souci, c'est pas l'aliment en lui-même, mais la relation que l'on a à l'aliment, la perception que l'on a de l'aliment. Donc c'est notre perception que l'on doit changer, notre compréhension que l'on doit changer. Donc le Vénérable en effet donc, n'a pas la possibilité de fermer le magasin, Mais comme ici, donc à l'invitation de l'Institut Nalanda, par compassion, il est venu ici et donc il va essayer de nous expliquer comment nous devons procéder. Donc, est-ce que vous pensez que nous pouvons éliminer le désir avide qui est en nous? Donc, est-ce que vous pensez qu'après avoir écouté cet enseignement-là, vous seriez en mesure de pouvoir éliminer la souffrance, éliminer la cause de la souffrance, l'avidité? Donc, imaginez que vous alliez chez le médecin, et si votre maladie se développe davantage, cela n'est pas très bon. Donc, quelle est la méthode pour pouvoir neutraliser l'avidité, l'origine de la souffrance? Eh bien, la méthode réside dans sati, c'est-à-dire l'attention, la pleine conscience. Avec sati, nous pouvons ainsi supprimer l'aversion et l'avidité de notre esprit. Donc, nous devons ainsi exercer, appliquer la pleine conscience, appliquer notre attention à tout objet qui apparaît aux six portes sensorielles, c'est-à-dire à chaque moment de voir, à chaque moment d'entendre, à chaque moment de sentir, à chaque moment de goûter, à chaque moment de toucher, à chaque moment de penser, c'est-à-dire observer tous les phénomènes physiques et mentaux avec vigilance, avec attention. À ce moment-là, quand il y a vigilance et attention, nous pouvons percevoir ces phénomènes mentaux et physiques tels qu'ils sont réellement. Nous pouvons pénétrer leur véritable nature. C'est-à-dire qu'avec l'attention, la vigilance et l'attention, nous pouvons comprendre que ces phénomènes physiques et mentaux sont impermanents, anicca, qu'ils sont aussi insatisfaisants, dukkha, et qui sont insubstantiels, anatta, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas les maîtriser, qu'ils sont donc transitoires, qu'ils sont source de douleur, et qu'il n'y a pas d'ego à l'intérieur. Et donc, si par rapport donc à ces objets physiques et mentaux, à ces objets vus, entendus, sentis, goûtés, touchés et pensés, est-ce que ces objets nous semblent plaisants ou déplaisants en apparence à première vue? Si vous percevez leur nature insatisfaisante, leur nature douloureuse, est-ce que vous en voudriez? Les personnes qui en voudraient, s'il vous plaît, levez la main. En effet, c'est parce que par rapport à tous ces objets physiques et mentaux, nous ne les percevons pas tels qu'ils sont, nous ne percevons pas leur nature insatisfaisante, leur potentiel de souffrance. Nous pensons au contraire qu'ils sont prometteurs de plaisir et de bonheur, sukha. En effet, par rapport à ces objets physiques et mentaux, comme il y a une compréhension erronée de leur véritable nature, nous ne les voyons pas comme ils sont, et donc nous pensons qu'ils vont toujours durer, qu'ils ont une certaine permanence, qu'ils ont une certaine continuité. Et donc, il y a de l'attachement par rapport à ces objets, il y a du désir par rapport à ces objets. En effet, si nous pouvions pénétrer clairement leur véritable nature, voir qu'ils sont transitoires, c'est-à-dire voir leur nature impermanente, anicca, si nous pouvons voir qu'ils ont un potentiel d'apporter de l'insatisfaction, donc qu'ils sont insatisfaisants, dukkha, et si nous pouvons voir que nous n'avons pas de contrôle sur ces phénomènes, qu'ils ont une nature insubstantielle, anatta, eh bien nous ne désirions plus ces objets. Il n'y aurait plus d'attachement par rapport à ces objets. Est-ce que vous en voudriez? Non. Donc en effet, quand nous pouvons voir ainsi le corps et l'esprit, tous les phénomènes physiques et mentaux tels qu'ils sont réellement, eh bien en effet, nous ne nous accrocherions plus à ces objets, nous les désirions plus tellement, il n'y aurait plus d'avidité à l'égard de ces objets, il n'y aurait plus de tanha en pali. Et donc, de par l'absence de cette avidité, tanha, il y a cessation, nirodha. Et donc, on peut ainsi dire que par l'absence de l'avidité, l'avidité est abandonnée. Ou la deuxième vérité, Samudaya Satcha, est abandonnée. Donc, avant, le Vénérable avait en effet donc parlé de ces deux dhammas, les dhammas qui sont la cause et les effets. Donc, ici, donc, la souffrance, l'insatisfaction, Dukkha Satcha, c'est l'effet. Samudaya Satcha, l'origine, c'est la cause. Donc, prenons un autre exemple. Imaginons l'arbre de la douleur. L'arbre de la douleur, avec ses branches de douleur, avec ses feuilles de frustration et ses fruits de frustration, avec ses racines, et bien ici, les racines, c'est Samudaya Satcha, la cause de la souffrance, l'origine de l'insatisfaction. Tant que les racines de l'arbre de la douleur, c'est-à-dire l'origine de l'insatisfaction, sont toujours présentes, eh bien, les branches, les feuilles, les fruits de l'arbre de la douleur vont toujours croître. C'est pourquoi, si nous voulons faire cesser la douleur, si nous voulons que les branches, que l'arbre de la douleur ne donne plus de feuilles, de fleurs, de fruits, de frustration, eh bien, nous devons déraciner les racines de l'arbre, c'est-à-dire couper les racines de Samudaya Satcha, l'origine de la souffrance. Donc, ainsi, si on ne déracine pas les racines de l'arbre de la douleur, si on ne les coupe pas, eh bien, elles sont toujours présentes. Donc, l'avidité est toujours à l'intérieur de nous et a toujours donc son potentiel de faire se manifester la douleur. Et donc, si nous rencontrons donc des conditions favorables, par exemple un objet plaisant, eh bien nous allons développer de l'avidité par rapport à cet objet. Nous allons vouloir le posséder, l'acquérir. Et donc nous allons nous mettre à la recherche de cet objet. Ensuite nous allons le garder, nous allons le protéger. Et de cette façon-là, nous allons développer de plus en plus d'attachement par rapport à cet objet. Et de cette façon, tanha, l'attachement, l'avidité, va de plus en plus s'établir fermement dans notre esprit. Il y a même des gens, explique Sayado, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour pouvoir conserver leurs biens. Donc, comment faire donc pour pouvoir neutraliser, éliminer la souffrance de notre vie? Juste le vouloir, juste le souhaiter. Est-ce que c'est suffisant? Sauvez-moi, sauvez-moi, que la douleur s'en aille. Non, bien sûr, on ne peut pas. Donc, en effet, il faut agir à la cause, à l'origine. Et alors, comment faire? Est-ce que vous avez une idée pour pouvoir neutraliser l'origine de la souffrance? S'il y a une meilleure méthode, Sayado aimerait bien la connaître lui aussi, donc il est ouvert à toute suggestion. Parce que Sayado pense que ici, étant donné que l'auditoire est composé de personnes donc belges venues de l'Occident, et qu'il sait que en Occident, eh bien les gens ont une connaissance très très élevée. Donc c'est pour ça qu'il pense qu'ici les gens auront des idées aussi très développées. Et donc ainsi, on pourrait après exporter cette nouvelle idée, cette nouvelle méthode. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce que, comme Sayado vient de Birmanie, lui, il ne connaît cette méthode que par rapport à ce qu'il a appris en Orient, donc il ne sait pas encore ce qui se fait en Occident. Et Sayado est très se réjouit parce qu'il voit qu'en Occident, les gens savent faire un bon commerce. On est très doué pour faire du commerce, pour faire de l'export et de l'import. Donc, il s'en réjouit. Donc, il attend une réponse, une idée, une méthode. Le détachement. Tanha mashira pia. Et quand? En elle. Il faut l'accepter. Oh, le kan yame pia. Tanha le kan yin soloshin, le kan ba me soloshin yin toa ba me pia. Le kan yame pia di lo ho. En fait, plus on accepte l'existence de l'avidité en nous, et plus finalement, on peut souffrir. Il y a un potentiel de souffrance. Par exemple, nos relations avec notre famille, notre mari, nos enfants, avec les biens que nous possédons, peuvent, au moment présent, nous procurer un certain niveau de satisfaction. On est heureux. Mais par contre, à long terme, eh bien, il se peut qu'un jour, ces objets auxquels nous tenons soient endommagés, soient détériorés. Et à ce moment-là, eh bien, il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Donc, quelle est la méthode? Eh bien, c'est très simple. Quand on rentre en contact avec quelque objet que ce soit, par exemple un objet visuel, que l'on voit un objet, eh bien, il faut tout de suite appliquer l'attention, observer cet objet avec vigilance. À ce moment-là, eh bien, le désir avide n'a pas l'opportunité de se manifester. Comme il y a absence de désir avide, eh bien, on dit qu'il y a cessation de désir avide. Il y a cessation de désir, et donc il y a cessation par là de la souffrance. C'est ce que l'on appelle la cessation de la souffrance. Nirodha Satcha. Donc imaginons que par rapport à cet objet visuel ou auditif, nous appliquions notre pleine conscience, que nous l'observions avec vigilance, et bien durant l'instant même, à l'instant même de notre attention, il n'y a donc pas d'avidité, et donc à ce moment-là, il y a la cessation. Mais il y a la cessation à ce moment seulement. Donc si par exemple, nous pouvons maintenir notre attention pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, eh bien ça sera 10 minutes de cessation de souffrance. Si nous pouvons maintenir notre attention pendant 10 minutes ou 15 minutes, eh bien ça sera 10 ou 15 minutes de plus de cessation de souffrance. Si nous pouvons ainsi être attentifs et observer les phénomènes physiques et mentaux tels qu'ils sont pendant une semaine, eh bien ça sera une semaine pendant laquelle l'avidité tanha n'aura pas l'opportunité de se manifester. Et donc, en conséquence, la souffrance n'aura pas l'opportunité de suivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle Nirodha Satcha. Donc, la méthode que le Vénérable a expliquée succinctement, le développement, l'application de Sati, l'attention, la pleine conscience, est en fait la pratique de Vipassana, la méditation Vipassana. Et ensuite, ceux qui peuvent pratiquer cette méditation Vipassana, le développement de l'attention pendant une semaine, un mois, deux mois, trois mois, voire plus, pourront comprendre davantage ce que vient d'exposer le Vénérable. Donc ainsi, la cessation de la souffrance, de l'insatisfaction, Nirodha Satcha, est réalisée à ce moment-là. Si on parle en termes de cause et effet, Nirodha Satcha, la cessation de la souffrance constitue l'effet. Et donc, il faut une cause pour cela. Juste vouloir la cessation, que la cessation cesse, qu'il n'y ait plus de douleur, cela ne suffit pas. Il faut donc qu'il y ait sa cause. Et la cause de la cessation de la souffrance, eh bien, c'est tout simplement la quatrième noble vérité, le chemin qui y mène, Magga Satcha. Alors, en ce qui concerne la dernière noble vérité, Magga Satcha, le chemin menant à la cessation de la souffrance, combien est-ce que vous connaissez ce chemin-là? Combien de facteurs le constituent? Shiva. Shiva. Déjà, non. Vous êtes sûr? Vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord qu'il y a 6 facteurs constituant le chemin? 8, même pas 8. Il veut être juste sur lui-même. Donc il vous demande. Donc le Magga Satcha, le chemin de la cessation de la souffrance, est donc de composé de 8 facteurs. Et ces 8 facteurs-là peuvent être regroupés en 3 groupes. Le premier groupe est le groupe de la moralité, Sila Magga. Le deuxième groupe, c'est le groupe de la moralité, Samadhi Magga. Et le troisième groupe, c'est le groupe de la sagesse, Panya Magga. Très bien. Alors, comme maintenant l'audience est déjà connaît déjà donc les huit facteurs du noble du chemin, est-ce que vous pourriez les énumérer alors? Quels sont-ils? Quel est le premier? Quel est le premier facteur du chemin octuple? What is the number one, Maga? La vue juste. Maga, Tamadeti. Tamadeti. Tamadeti, Magen, c'est pas ici. Number one, Samadeti. D'accord. La première, donc, c'est la vue juste, Samadeti. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Another La Tamadankapa. Tamadengapa. D'accord. La pensée juste, Samasankapa. Yes, Samavaja. La parole juste, c'est ça que vous avez dit? Même pas. Samavaja. Samagamanda. Et donc les moyens d'existence juste, Samaaziwa. Samaaziwa. Les moyens d'existence juste. Number 5. Les moyens d'existence juste, Samaaziwa. Number 1, Samadhi. Donc le premier, Samadhi. Number 2, la vue juste. Samasankapa. Deuxièmement, Samasankapa, la pensée juste. Number 3, Samavaja. Ensuite, la parole juste, Samavacha. Number 4, Samagamanda. Ensuite, numéro 4, l'action juste, Samagamanta. Number 5, Samaajiva. Et numéro 5, les moyens d'existence juste, Samaajiva. Alors, les deux premiers, la vue juste et la pensée juste, Samadhiti et Samasankapa, constituent le groupe de la sagesse, Panya Magga. Ensuite, les suivants, la parole juste, les moyens d'existence juste et l'action juste constituent le groupe de la moralité, Sila Magga. Ensuite vient le sixième, l'attention juste, Sama Sati. D'accord. Donc là, le Vénérable rectifie et il précise que en premier vient d'abord l'effort juste avant. L'effort juste. Sama Wayama. L'effort juste. Vient ensuite numéro 7. L'attention juste, Samasati. Et en huitième vient la concentration juste, Samasamadhi. Donc les trois derniers constituants qui viennent d'être exposés constituent le groupe de la sagesse, de la concentration, Samadhi. Maga. Alors, combien de constituants y a-t-il dans le groupe de la concentration? Tomba. De la moralité? Tomba. Tomba. Trois. Mais oui, Smali Magena, trois. Smali Magena, Tomba. Donc, pour un méditant, une personne désireuse de développer l'attention, la base est très importante. Il est donc très important de développer avant tout la moralité, donc le groupe de la moralité, Sila Magga. Donc Sila Magga, le groupe de la moralité, donc, se réfère ainsi donc, à la conduite morale, la conduite éthique. Et elle peut donc s'exprimer, se manifester par l'observance de préceptes, de règles de conduite. On peut observer 5 préceptes, 8 préceptes, 9 préceptes, voire 10 préceptes pour les laïcs. Pour les moines, eux, ils doivent préserver 227 préceptes dans la tradition Theravada. Le Vénérable pense que les cinq préceptes vous sont déjà familiers, n'est-ce pas, ça vous... What is the five precepts? Est-ce que vous connaissez les cinq préceptes? Ça vous dit quelque chose? Do you like? Vous ne les connaissez pas? Donc, les Vénérables disent, c'est bien, si vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas à les préserver, c'est bien, c'est déjà une chose à moi à faire. Donc le Bouddha qui était né dans l'Inde ancienne a donné un exemple à cette époque-là. Donc il y a des personnes qui gardent les vaches, un vacher, merci. Et si le vacher ne sait pas combien de vaches il possède, eh bien si on a une ou deux qui est perdue, il ne sait pas non plus qu'elles sont perdues. Et pour prendre un exemple moderne, si nous ne savons pas combien nous avons dans notre compte, eh bien si notre compte est en déficit ou en crédit, eh bien nous ne sommes pas au courant non plus. Nous ne savons pas. Alors, concernant ces cinq préceptes, quel est le premier précepte? Panatipada. En effet, s'abstenir de prendre la vie, de tuer. Le deuxième? Adinada. En effet, donc le deuxième, s'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné, c'est-à-dire de voler. Namadriya. Le troisième. Trois. Musawada. Kamedumaisasara. Ah. Alors avant, il y a s'abstenir. Mensonge. Intoxicant de drogue. Le cinquième, oui. Donc le cinquième, c'est ne pas de prendre de produits intoxicants, de substances intoxicantes. Non. Voilà, donc dans la liste des cinq, en effet, donc le troisième, c'est de s'abstenir de conduite sexuelle illégitime. Donc en effet, il est très important pour nous de maintenir ces cinq préceptes purs. Donc le Vénérable vous demande, est-ce que vous êtes en mesure de maintenir ces cinq préceptes purs, de vous abstenir de tuer, de voler, de commettre d'adultère, de mentir, de prendre des substances intoxicantes? Malveva, viens. Malveva. Malveva. En effet, c'est pas facile, mais vous aimeriez bien atteindre l'éveil. Le Vénérable demande l'observance de ces cinq préceptes, la maintenance d'une conduite éthique pure. Est-ce que cela relève seulement du bouddhisme? En effet. Ces cinq préceptes, cette maintenance d'une conduite éthique pure, fait partie des valeurs humaines de base. Et donc, si nous sommes désireux d'éliminer la souffrance, d'atteindre l'éveil, Nirodha Satcha, eh bien, cette moralité constitue la base, c'est le pilier de la pratique. Donc si on peut ainsi observer cette conduite éthique de sorte qu'elle soit pure, donc s'abstenir de prendre la vie, de prendre ce qui n'est pas volé, de conduite sexuelle illégitime, du mensonge, de prendre des produits intoxicants, si nous pouvons observer ces cinq préceptes, eh bien à ce moment-là, nos comportements au niveau physique sont purs, c'est-à-dire que nous sommes au niveau du corps, nous sommes civilisés. Cependant, notre esprit ne l'est pas, notre esprit reste encore sauvage. En effet, pour pouvoir dompter notre esprit, civiliser notre esprit, le rendre pur et raffiné, la pratique de la conduite éthique, de la moralité, Siddhamagga à elle seule, n'est pas suffisante. Il nous faut continuer la pratique avec Samadhi Magga, le groupe de la concentration. Vous rappelez-vous, le Vénérable vient juste de vous expliquer avant donc que le chemin, le noble sentier obtus, était composé de trois groupes. Donc, le groupe de la concentration, composé de la concentration juste, Samadhi Magga, de l'effort juste, Sama Vayama, et de l'attention juste, Sama Sati, doit donc être développé. Il va se développer en prenant appui sur le groupe de la moralité, Sila Magga, qui est donc la base. Le groupe de la moralité, Sila Magga, est comparé aux fondations d'un bâtiment. Si les fondations ne sont pas profondément construites, ne sont pas sûres et solides, le bâtiment sera branlant. Alors, allez-vous vous efforcer à observer les préceptes de sorte qu'ils restent purs? Est-ce que vous allez faire des efforts? Parce que sinon, le bâtiment va s'écrouler, vous ne pourrez pas continuer à développer autre chose. Donc ainsi, en observant avec attention tous les objets qui se présentent aux six portes sensorielles, eh bien, on prévient l'avidité de se développer. Cette attention qui est établie, sati, donc c'est tout simplement l'attention juste, sama sati. Ensuite, pour établir cette attention, il nous faut fournir un effort. L'effort pour appliquer l'esprit à l'objet, pour développer l'attention, c'est l'effort juste, sama vayama. Ensuite, l'attention à l'objet devient de plus en plus continu, moment après moment. L'attention est ainsi établie sur l'objet de façon continue et ferme. C'est ce qu'on appelle la concentration. Ici donc, c'est la concentration juste, Samadhi Magga. Donc les fondations sont posées, le groupe de la moralité développé, c'est la Magga. Suit ensuite donc la pratique de la concentration et Samadhi Magga également est accomplie. Avec le groupe de la moralité et le groupe de la concentration qui sont développés, la sagesse va suivre, elle va en découler. Le groupe de la sagesse, Panya Magga, va fleurir de Sila et de Samadhi. Ainsi, si nous pouvons observer avec attention et vigilance tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent aux six portes sensorielles, eh bien, il n'y a pas d'avidité qui se manifeste. Et à ce moment-là, notre esprit est raffiné, notre esprit devient pur et civilisé. Donc ainsi, avec la pratique de la moralité, nos comportements au niveau du corps et de la parole sont purifiés, civilisés. Avec ensuite la pratique de la concentration et le développement de la sagesse, c'est notre esprit qui devient dompté et civilisé. Donc ainsi, nous sommes accomplis dans la moralité, la concentration s'est développée et donc nous voyons les objets tels qu'ils sont. Cela est la vue juste, Sama Ditti. Et le facteur qui dirige l'esprit, qui incline l'esprit vers l'objet, de sorte à le voir tel qu'il est, c'est la pensée juste, Sama Sankhara. C'est pourquoi donc il est très important que nous essayons de développer en nous, d'établir en nous ces huit facteurs du chemin octuple. Très bien, donc pour commencer aujourd'hui, vous allez vous efforcer donc de garder vos préceptes purs et peut-être de prendre la décision de ne plus prendre d'alcool, de ne plus boire. Donc ainsi, nous devons nous efforcer donc de pratiquer une moralité pure, Sila Magga, et ensuite donc de développer la concentration. Ce développement de la concentration se fait donc à travers de la pratique de la méditation. Il y a donc différentes techniques. Il y a des techniques donc qui sont enseignées ici à l'Institut Nalanda. Il y a aussi d'autres techniques qui sont enseignées par exemple dans le centre avec Dhamma Group. Et donc au fur et à mesure que la concentration se développe, eh bien la sagesse se développe. Et cela donc est très important que nous pratiquions cela afin d'établir les 8 facteurs du chemin octuple en nous. Et ainsi, si nous pouvons nous entraîner de sorte à développer la vigilance, l'attention, la pleine conscience à tous les objets qui se manifestent aux 6 portes des sens, eh bien nous allons pouvoir voir leur nature véritable, voir anicca, qu'ils sont impermanents, voir dukkha, qu'ils sont insatisfaisants, et voir anatta, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune substance en eux-mêmes, qu'ils sont immaîtrisables. Ainsi, le Bouddha enseignait qu'il fallait connaître la vérité, dukkha satcha, la vérité de la souffrance. Il fallait la discerner et la comprendre. Ainsi, en développant la vigilance et l'attention à tous les objets qui se présentent aux 6 portes sensorielles, l'avidité donc ne se manifeste pas, et en conséquence, le cycle de renaissance également est réduit, prend fin. Et avec cela donc, le cycle de la souffrance également cesse. Donc, la vérité de la souffrance est à comprendre, comme a enseigné le Bouddha. Ensuite, le Bouddha a enseigné donc que l'origine de la souffrance est à abandonner, c'est-à-dire qu'on ne lui offre plus l'opportunité de se manifester. Ainsi, l'avidité est abandonnée. Comme l'avidité est abandonnée, la souffrance n'a plus l'opportunité de se produire. Il y a donc cessation de la souffrance. La cessation de l'insatisfaction est donc réalisée. Et comme le Bouddha l'a enseigné donc, la troisième vérité, la vérité de la cessation, est à être réalisée ou accomplie. Et pour pouvoir donc réaliser cette cessation de la souffrance, il nous faut donc, comme l'a enseigné le Bouddha, parcourir le chemin du noble sentier octuple, Maggasaccha. En d'autres mots, il nous faut développer Maggasaccha, développer le chemin conduisant à la cessation de la souffrance. C'est ainsi que le Bouddha enseignait qu'il nous fallait pratiquer de sorte à établir ces 4 vérités en nous. Donc, pour résumer, la vérité de la souffrance est à connaître. La vérité de l'origine de la souffrance est à abandonner. La vérité de la cessation de la souffrance est à réaliser, accomplir. Et la vérité de la cessation, du chemin menant à la cessation, est à développer. Il y a ainsi 4 actions: savoir, abandonner, réaliser et développer. Cela peut résumer l'enseignement des 4 nobles vérités. Donc maintenant, à partir de la compréhension que nous avons pu acquérir des 4 nobles vérités, par l'écoute des enseignements, par notre propre analyse et réflexion, et bien à partir de là, il nous faut continuer de sorte à pratiquer et à faire ces vérités notre propre vérité, une connaissance intrinsèque. Et ainsi, à chaque moment que nous pouvons pratiquer, eh bien, à cet instant même, nous allons pouvoir réaliser la cessation de l'insatisfaction à un moment donné. C'est juste la cessation momentanée, temporaire. Nous allons ainsi donc développer au fur et à mesure l'attention et au fur et à mesure, notre sagesse intuitive va se développer. Et nous allons ainsi pouvoir réaliser au fur et à mesure les différents stades d'éveil. Le premier stade d'éveil étant Sotapatti Magga, le chemin de celui qui est rentré dans le courant. Ensuite, nous allons pouvoir réaliser Sadagami Magga, le chemin de celui qui ne revient qu'une fois. Ensuite, Anagami Magga, celui qui ne revient plus. Et ensuite, finalement, quand notre sagesse sera complètement mature, atteindre ce qu'on appelle le plein éveil, Nibbana, et atteindre l'état de Arahant. À ce moment-là, la cessation sera complète, permanente. Donc le Vénérable nous souhaite à tous de pouvoir ainsi établir les 4 vérités en nous de façon momentanée, puis de continuer notre pratique de sorte à pouvoir établir ces quatre vérités de façon permanente en nous, de pouvoir ainsi développer la paix et la sérénité momentanée jusqu'à pouvoir développer et réaliser la paix permanente. Donc le Vénérable nous encourage en effet à utiliser cette opportunité très précieuse qu'est cette renaissance en tant qu'être humain et d'utiliser cette opportunité précieuse pour pouvoir développer, réaliser cette paix ultime et permanente de l'éveil Nibbana. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Sadhu, sadhu, sadhu. Donc en effet, donc il n'y a pas de temps pour la session de questions-réponses, mais le Vénérable précise que les questions en elles-mêmes, à ce stade-là, ne sont pas encore si importantes. Ce qui est important, c'est d'essayer de pratiquer, et à ce moment-là, les questions qui vont surgir par rapport à la pratique seront beaucoup plus de, seront plus significantes, auront plus de signification. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Donc, dans ces cas-là, eh bien, il vous laisse pour que vous puissiez pratiquer. Et seulement quand vous aurez vos questions avec la pratique, eh bien, vous pourrez le revoir. Donc, il n'est pas seulement suffisant de lire l'ordonnance ou de lire la composition du médicament, il faut le prendre. Mais si on le prend de façon irrégulière, un jour on veut le prendre, un jour on est un peu fainéant, on veut le prendre, eh bien, si on le prend de façon irrégulière, notre maladie ne sera pas guérie non plus. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de prendre le médicament de façon régulière. Alors maintenant, allons prendre le médicament.